The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Indeed. En effet. Earn. Gagner. To breed. Élever. Horses. Le cheval. Horse riding. L'équitation. Passion. La passion. Kid. Le môme. Stud farm. Le haras. Jackpot. Le gros lot. Challenge. Le défi. At a gallop. Au galop. At a trot. Au trot. Plains. La plaine. Now, a bit faster. Earn. Gagner. Horses. Le cheval. At a trot. Au trot. Challenge. Le défi. Passion. La passion. Stud farm. Le haras. Earn. Gagner. Jackpot. Le gros lot. Horses. Le cheval. Passion. La passion. Indeed. En effet. Kid. Le môme. Horses. Le cheval. At a trot. Au trot. Indeed. En effet. Passion. La passion. Challenge. Le défi. Horses. Le cheval. Challenge. Le défi. Jackpot. Le gros lot. Earn. Gagner. At a gallop. Au galop. To breed. Élever. At a trot. Au trot. Passion. La passion. Plains. La plaine. Now, use the words in context. Élever. They raise all kinds of animals on their farm. Ils élèvent toutes sortes d'animaux dans leur ferme. Le môme. As a kid, I used to dream about becoming an airline pilot. Étant môme, je rêvais de devenir pilote d'avion. Le défi. Such a challenge requires a lot of effort. Un tel défi demande beaucoup d'efforts. Au galop. It's my dream to travel across wide spaces on a galloping horse. Parcourir les grands espaces à cheval au galop est mon rêve. Le môme. As a kid, I used to dream about becoming an airline pilot. Étant môme, je rêvais de devenir pilote d'avion. Au galop. It's my dream to travel across wide spaces on a galloping horse. Parcourir les grands espaces à cheval au galop est mon rêve.